Le sapin, conte d'Andersen. Il y avait une fois dans la forêt un joli petit sapin. Il y occupait une place charmante, parfaitement exposée à l'air et aux rayons du soleil. Et alentour croissait une foule de ses frères, plus grands et plus gros que lui, sapin et pin. Cependant, rien de tout cela n'avait autant de prix aux yeux du petit sapin que de savoir qu'il deviendrait grand. Il ne songeait jamais à la bienfaisante chaleur du soleil, à la pureté de l'air. Il ne s'inquiétait on que le moins du monde des petits paysans qui s'en venaient par là, babillant à qui mieux mieux tout en cherchant des fraises et des framboises. Ils arrivaient quelquefois avec une jatte toute pleine, s'asseyaient sous le sapin, puis se disaient « Que c'est donc bon, que c'est donc joli des fraises !» Or, c'était là précisément des propos que le petit arbre ne pouvait pas souffrir. L'année d'ensuite, il avait grandi de tout un sion de plus, et l'année suivante, d'un autre encore. Car il vous sera toujours facile de savoir l'âge des sapins en comptant le nombre des pousses qui se trouvent au-dessous de la tige. « Oh, que je voudrais donc être aussi grand que tous les grands arbres qui m'entourent !» dit le petit sapin en soupirant. « En effet, je pourrais alors étendre mes branches tout aussi loin qu'eux et élever assez ma tête pour considérer tout autour de moi l'immensité de l'univers. » Les oiseaux viendraient alors bâtir leur nid dans mes branches. Et quand le vent souffle, je m'inclinerai aussi majestueusement que pas un de mes voisins. » Le malheureux arbrisseau ne prenait aucun plaisir à contempler l'éclat du soleil, à regarder les joyeux oiseaux, non plus que les nuages rougeâtres qui, soir et matin, naviguaient au-dessus de sa tête. Au temps d'hiver, quand la neige étendait son éblouissant manteau sur toute la nature, quelques lièvres s'en venaient bien par là de temps à autre en sautillant, puis tout à coup ils sautaient par-dessus le petit arbre lui-même. Oh, que c'était humiliant pour lui! Mais deux hivers de plus s'écoulèrent, et alors le sapin était devenu assez grand pour que le lièvre, au lieu de le franchir lestement, dut se détourner de sa course. Grandir, grandir, devenir vieux et grand, oh, voilà ce qui seul donne quelque prix à l'existence, pensait l'arbrisseau. À l'automne arrivèrent des bûcherons qui abattirent quelques-uns des plus grands arbres de la forêt. Chaque année ils en faisaient autant, et le jeune sapin, qui alors était enfin parvenu à une belle hauteur, commença à trembler pour son avenir, car les arbres les plus grands, les plus magnifiques, tombaient à terre avec un fracas effroyable. On arrachait leurs branches. Ils paraissaient alors si nus, si maigres, si souffreteux, que vous auriez eu de la peine à les reconnaître. Et puis après, on vous les mettait sur des haquets, et des chevaux vous les emmenaient hors de la forêt. Où pouvait-il aller ainsi? Que devenait-il ensuite? Au printemps, quand revinrent les hirondelles et les cigognes, le petit sapin leur dit « Savez-vous où on les emmène? Les avez-vous rencontrés en chemin ?» Les hirondelles n'en savaient rien. Une cigogne, au contraire, prit son air le plus grave et, après avoir hoché de la tête, lui répondit « Ah, je le crois bien !» En m'en venant ici d'Égypte, j'ai rencontré beaucoup de vaisseaux. Sur ces vaisseaux, il y avait de grands et beaux mâts. Or, je gagerais que c'étaient eux, car ils exhalaient tout alentour une forte odeur de sapin. J'ai souvent eu l'occasion de leur parler. Ils vous avaient l'air si fiers, si brillants. Oh, que je voudrais donc être assez grand pour pouvoir à mon tour naviguer sur la mer. Mais... « Dites-moi un peu ce que c'est que la mer, et à quoi cela ressemble ?»« Ah, ce serait beaucoup trop long à vous raconter !» repartit la cigogne, et en même temps, elle s'envola bien loin. « Jouis de ta jeunesse !» lui dirent les rayons du soleil. Jouis de tes membres si pleins de force et de sève, jouis de la vie qui réside en eux. Et le vent baisa l'arbre, et la rosée le couvrit de ses larmes, mais le sapin ne les comprit ni l'un ni l'autre. À l'approche de Noël, on abattit de tout jeunes arbres, des arbres qui n'étaient ni aussi grands, ni aussi vieux que ce sapin inquiet et frondeur, incapable de rester en repos et qui ne demandait qu'à s'en aller bien loin. On plaçait toujours ces jeunes arbres, et c'étaient les plus beaux de tous, sur des charrettes avec toutes leurs branches, et des chevaux les emmenaient hors de la forêt. « Où donc peuvent-ils aller ?» se dit le sapin. « Ils ne sont pas plus grands que moi. Il y en avait même beaucoup plus petits que moi. Pourquoi leur laisse-t-on toutes leurs branches à ceux-là? Et où peut-on les conduire ?»« Nous le savons bien, nous le savons, nous !» répétèrent à l'envi les moineaux dans leur ramage. « Nous avons regardé à travers les fenêtres dans la ville là-bas. Nous savons où on les conduit. Oh, ils vont assister au plus merveilleux spectacle que vous puissiez imaginer. En regardant à travers les fenêtres, nous les avons vus plantés au milieu de beaux appartements bien chauds et surchargés de si belles choses, de pommes dorées, d'oranges, de pain d'épices, de sacs de bonbons, de jouets de tous les genres. » Enfin de milliers de bougies. Et alors ? Demanda le sapin qui tremblait déjà de tous ses membres. Que fait-on d'eux ? Ma foi, nous n'en avons pas vu davantage. Mais si vous saviez le beau coup d'œil que cela faisait ! Oh, combien je voudrais que mon sort fût de suivre ce même sentier si brillant ! S'écria le sapin tout joyeux. Cela vaut bien mieux que de naviguer à travers la mer. Qu'il me tarde donc d'être avec eux, qu'il me tarde donc de voir arriver Noël. Je suis grand maintenant et mes branches sont bien fournies, tout autant que l'étaient celles des arbres qui ont été emmenés l'an dernier. Oh, rien que la pensée d'aller en voiture me transporte d'aise. Et ensuite, d'être dans un bel appartement bien chaud, avec toutes ces belles choses suspendues à mes rameaux. Et encore, car enfin, il faut qu'il y ait encore quelque chose de mieux que ça. Autrement, pourquoi m'ornerait-on de cette façon ? Il faut qu'il y ait ensuite quelque chose de bien plus beau, de bien plus magnifique. Mais qu'est-ce que ce peut être ? Oh, qu'il me tarde de le savoir ! Jouis de notre amour, lui dirent les rayons du soleil et l'air. Jouis ici de ta jeunesse. Mais le petit sapin ne voulait pas entendre parler d'un bonheur comme celui-là. Il devenait toujours plus grand, plus grand, conservant sa sombre mais vivace verdure, l'hiver comme l'été. Ceux qui l'apercevaient disaient « Le bel arbre que voilà !» Aussi, quand vint le temps de Noël, fut celui qu'on abattit le premier de tous. La hache trancha jusqu'à la moelle, et l'arbre tomba à terre en poussant un soupir. Il éprouvait une douleur, un malaise vague. Quelque chose lui disait qu'il ne pouvait plus y avoir de bonheur pour lui, que c'était mal à lui de quitter la terre où il était né et où il avait été élevé avec tant de soin, qu'il ne reverrait plus jamais ses bons vieux compagnons, les petits buissons, les jolies fleurs qui croissaient autour de lui, et peut-être même pas les oiseaux. Il reconnut d'ailleurs qu'un voyage en charrette n'offrait au fond rien d'agréable en soi. Le petit sapin ne reprit véritablement ses sens que lorsqu'il entendit quelqu'un dire au moment où on le retira de la charrette avec les autres arbres « En voici un magnifique, ça fera notre affaire !» Deux domestiques bien habillés s'en vinrent alors, qui vous prirent l'arbre et vous le conduisirent dans un grand et magnifique salon dont les murailles étaient toutes couvertes de glace et de tableaux. Sur une belle cheminée en marbre blanc intérieurement garnie en faïence, on voyait une belle pendule de bronze doré, flanquée de deux beaux vases de porcelaine du Japon, servant de support à de grandes lampes carcelles en bronze doré et magnifiquement ciselées. Des fauteuils, des chaises, des sofas, des ganaches tout recouverts du plus beau lampas et confusément placés. De grandes tables couvertes de beaux livres à images et d'une multitude de joujoux, tous plus beaux les uns que les autres, et valant bien au moins chacun 1000 francs à ce que disaient les enfants qui les contemplaient avec ravissement. Voilà ce qu'il aperçut en entrant dans ce salon, dont un moelleux tapis aux éclatantes couleurs et aux dessins capricieux couvrait tout le plancher. On vous plaça alors le sapin dans une grande caisse de bois remplie de sable en guise de terre. Mais il était impossible de reconnaître que c'était là une simple caisse de bois, tant on l'avait artistement dissimulée sous de verts décors. Et puis on l'avait placée sur un si beau tapis. Oh, si vous saviez comme l'arbre tremblait d'attente! Qu'allait-il maintenant lui arriver? Les dames et les domestiques rivalisaient d'empressement à le couvrir d'ornements. À toutes ses branches, on suspendait de petits filets confectionnés avec du papier de couleur. Et chacun de ces filets était rempli de prunes confites, de bonbons à liqueur, de dragées et de pralines. On y attachait aussi des pommes et des noix dorées qui avaient l'air d'y avoir poussé naturellement, ainsi qu'une multitude de petites bougies bleues, rouges et blanches. On entremêlait aussi ces rameaux de poupées qu'on eût été tenté de croire en vie, et comme l'arbre n'en avait encore jamais vu. Enfin, au-dessus du tout, brillait une grande étoile toute pailletée et scintillante d'or, et si belle, si magnifique. Oh, la belle lumière que ça fera ce soir, criait-on. Que je voudrais donc déjà être à ce soir, pensa l'arbre. Pourquoi ne se dépêche-t-il pas davantage et n'allume-t-il pas déjà les lumières? Mais que m'arrivera-t-il ensuite? Que je voudrais donc que les autres arbres puissent quitter la forêt pour venir me voir ici? Que je voudrais donc que les moineaux vinssent voltiger près des fenêtres? Continuerai-je à pousser ici, hiver et été, toujours aussi magnifiquement habillée qu'à présent? Ah, il était bien curieux de savoir ce qui allait se passer. Mais à chaque désir, il éprouvait un violent mal d'écorce. Or, les maux d'écorce sont pour les arbres ce que les maux de tête sont pour nous autres hommes. Enfin, on alluma les bougies. Comme c'était brillant! Comme c'était donc beau! L'arbre tremblait de toutes ses branches, de toutes ses feuilles, de sorte que l'un des verts rameaux prit feu tout à coup. « Oh, ma chère, qu'est-ce que vous faites là ?» s'écrièrent les dames, et elles eurent en un instant mis dehors la branche imprudente. Et l'arbre n'osa même plus trembler. Combien, en effet, n'eût-il pas craint de perdre ainsi quelque chose de sa parure? Il ne se sentait pas de joie d'être ainsi couvert de belles choses. Mais voilà qu'enfin, les portes jusqu'alors soigneusement fermées s'ouvrent tout à coup, et qu'une troupe d'enfants se précipite vers l'arbre comme pour l'abattre. Des personnes plus âgées les suivaient, marchant d'un pas tranquille. Les enfants s'arrêtèrent d'abord, muets de surprise et de ravissement. Mais ils ne tardèrent pas à faire retentir le salon de leurs cris joyeux. Puis ils se mirent à danser autour de l'arbre, lui arrachant au fur et à mesure chacun des présents dont il était surchargé. « Que font-ils là ?» pensa le sapin. « Et que va-t-il maintenant se passer ?» Les bougies brûlèrent jusqu'aux branches et finirent par s'éteindre. Alors les enfants eurent la permission de complètement dépouiller l'arbre. Ils se précipitèrent dessus avec fureur, de manière à faire craquer toutes ses branches. Et s'il n'avait pas été fortement attaché au fond de la caisse, ainsi que l'étoile qui le surmontait, il eût été infailliblement renversé à terre. Les enfants dansaient tout alentour, en tenant leurs jouets dans leurs bras. Bientôt, personne dans la compagnie ne pensa plus à l'arbre, excepté une vieille nourrice qui s'en vint fureter dans ses branches pour voir si d'aventure quelques fruits secs, quelques cornets de bonbons n'y étaient pas restés oubliés. « Une histoire à présent, une histoire !» s'écrièrent les enfants en se pressant autour d'un homme de petite taille, mais vigoureux, qu'ils entraînèrent vers l'arbre. Il prit place sous son feuillage. « Maintenant, dit-il, nous voilà parfaitement à l'ombre, et l'arbre lui-même pourra faire son profit de mon récit. mais je n'entends vous raconter qu'une seule histoire. Voulez-vous celle d'Yves Diavely ou bien celle de Bonardin qui tomba du haut en bas de l'escalier et qui ensuite fit sa fortune dans le monde et finit par épouser la princesse ?»« Yves Diavely !» crièrent les uns. « Bonardin, Bonardin !» crièrent les autres. Pendant tout ce remue-ménage, tout ce vacarme, tout ce bruit, le sapin restait silencieux, et il se disait à part lui. « Est-ce que je ne m'en mêlerai pas? Est-ce que je n'y jouerai pas un rôle ?» Le fait est qu'il avait jusqu'alors partagé toute leur joie, et s'était prêté du mieux qu'il avait pu à la circonstance. Alors le monsieur en question raconta l'histoire de Bonardin, qui tomba du haut en bas de l'escalier, ce qui ne l'empêcha pas de faire son petit bonhomme de chemin et de finir par épouser la princesse. On voulut encore avoir l'histoire d'Yveli Avedi par-dessus le marché, mais le monsieur tint bon et ne raconta que celle de Bonardin. Pendant ce temps-là, le sapin resta silencieux et méditatif. Jamais les oiseaux de la forêt ne lui avaient raconté rien de semblable. « Comment ? Bonardin tomba du haut de l'escalier et cela ne l'empêcha pas de finir par épouser la princesse ? Eh oui, certes, c'est ainsi que se passent les choses dans ce bas monde !» se dit le sapin qui crut à la vérité entière de l'histoire, puisque c'était un si beau monsieur qui la racontait. « Ha ha, qui sait ? Peut-être moi aussi tomberai-je du haut en bas de l'escalier et finirai-je par épouser une princesse ?» Et il savoura avec délice la pensée d'être encore orné le lendemain de bougies, de joujoux, de bonbons et de fruits dorés. « Demain, je ne tremblerai pas !» se dit-il encore. « Et je jouirai complètement de toute ma splendeur. Demain, j'entendrai encore l'histoire de Bonardin. » Et peut-être aussi celle d'Yvedi avait dit par-dessus le marché. Et pendant tout le reste de la nuit, l'arbre resta silencieux et méditatif. Le lendemain matin, le domestique et la servante entrèrent dans le salon. Allons, voilà qu'on va me revêtir encore de tous mes beaux atours, pensa l'arbre. Mais au lieu de cela, ils l'emmenèrent hors du salon, lui firent descendre l'escalier, puis... Arrivés au vestibule, ils le placèrent dans un coin obscur à l'entrée de la cave, où ne pénétrait jamais la lumière du soleil. « Qu'est-ce que cela signifie ? » pensa l'arbre. « Que veut-on que je fasse ici ? Je serais bien curieux de savoir ce que j'y entendrai. » Et il resta appuyé contre la muraille, tout entier à ses réflexions. Il eut tout le temps d'en faire, car bien des jours et des nuits se passèrent, sans que personne s'approchât de lui. Et quand enfin quelqu'un le fit, ce ne fut que pour entasser de grandes caisses dans ce coin-là. L'arbre se trouva de la sorte parfaitement caché à la vue, et nous avons nos raisons pour croire qu'on l'oublia là. « Nous devons maintenant être en hiver, » pensa le sapin. « La terre est dure et couverte de neige. On ne saurait à cette heure songer à me replanter. » Il est donc à présumer qu'il me faudra encore rester ici jusqu'au moment où viendra le printemps. Comme c'est bien avisé, que les hommes sont donc bons. Il n'y aurait pas de mal tout de même à ce qu'il fît ici un peu moins sombre et un peu moins triste. Je ne saurais y apercevoir même le moindre lièvre. Comme c'était beau dans les bois lorsque la neige couvrait le sol et que le lièvre passait à côté de moi en sautillant, que dis-je, lorsqu'il sautait par-dessus moi. Cependant, je n'aimais pas qu'il en usât de la sorte avec moi. Il fait tout de même horriblement sombre ici. « Et terriblement froid !» dirent alors de petites souris qui passaient par là. « Sans quoi, il ferait assez bon vivre ici, n'est-ce pas, vieux sapin ?»« Je ne suis pas vieux du tout !» repartit le sapin. « Et combien n'y en a-t-il pas qui sont beaucoup plus vieux que moi ?»« D'où venez-vous donc ?» dirent encore les souris. « Et que nous apprendrez-vous ?» Car ce sont bien les plus indiscrètes petites créatures qui se puissent rencontrer. « Parlez-nous du plus bel endroit de la terre » ajoutèrent-elles. « Y avez-vous jamais été ? Êtes-vous jamais entré dans la dépense, là où les fromages sont rangés sur des planches, là où des jambons pendent accrochés au plafond, où l'on peut danser sur des paquets de chandelles, entrer la peau sur les os et sortir gros et gras. Je ne comprends pas un mot de tout ce que vous me chantez là, repartit l'arbre. Mais je connais parfaitement bien la forêt où brille le soleil et où chantent les oiseaux. Et alors, il leur raconta toute l'histoire de sa jeunesse. Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de pareil. Elles l'écoutèrent attentivement. Puis elles lui dirent « Oh, que de choses vous avez vues et comme vous avez été heureux !»« Moi ?» s'écria le sapin en soupirant. Il réfléchit alors à tout ce qu'il venait de leur conter. « Bah, après tout, j'ai eu du bon temps !» s'écria-t-il. Et il se mit à leur raconter la fête de Noël et comment il avait été couvert de bougies et de friandises. « Oh mon Dieu, que vous avez donc été heureux, vieux sapin !» dirent les petites souris. « Je ne suis pas vieux du tout !» reprit l'arbre. « C'est cet hiver même qu'on m'a amené ici de la forêt. Je suis dans toute la fleur de la vie. Seulement, je suis peut-être un peu trop grand pour mon âge. » « Comme vous racontez bien une histoire !» ajoutèrent les petites souris. Et la nuit suivante, elles amenèrent quatre autres petites souris entendre l'arbre raconter son histoire. Et plus le pauvre sapin parlait, mieux il se rappelait le passé. « Oh, c'était un bon temps que celui-là !» se disait-il à lui-même. « Mais il peut encore revenir. Bonardin est bien tombé du haut en bas de l'escalier. » Et cela ne l'a pas empêché de finir par épouser la princesse. Donc, il se peut que moi aussi, je finisse par avoir une princesse. » Et alors le sapin songeait à un joli petit bouleau qui croissait non loin de lui dans la forêt et qui, suivant son opinion, était bien la plus belle princesse qu'on pût voir. « Qu'est-ce donc ce Bonardin ?» demandèrent les petites souris. Et le sapin leur raconta toute cette histoire dont il n'avait pas oublié la moindre syllabe. Les petites souris en furent si ravies qu'elles faillirent sauter de joie jusqu'au sommet de l'arbre. La nuit suivante, il vint une bien plus grande quantité de souris et une autre nuit, deux rats aussi. Mais ces messieurs ne trouvèrent pas l'histoire de Bonardin amusante du tout. Cela fit beaucoup de peine aux souris, et alors elles pensèrent beaucoup moins de bien de cette charmante histoire qu'auparavant. « Ah ça, est-ce que vous ne savez que cette seule histoire-là ?» lui demandèrent les rats d'un ton impertinent. « Rien que celle-là, » répondit l'arbre. « Je l'ai entendu raconter le soir le plus heureux de ma vie, mais alors j'ignorais combien j'étais heureux. »« Eh bien, c'est là une pitoyable histoire !» répliquèrent les rats. « Ne sauriez-vous pas nous en raconter une où il soit question de lard, de chandelle, enfin une bonne histoire d'office, de dépense, de garde-manger ?»« Non, en vérité, » dit l'arbre étonné. « Eh bien, en ce cas, bonjour !» répliquèrent les rats. Et se disant, ils tournèrent le dos à la compagnie. Les petites souris, elles aussi, finirent par s'en aller. Et l'arbre, resté seul, se dit en soupirant. « Que c'était donc amusant quand elles étaient là, toutes assises autour de moi, ces jolies petites souris, écoutant mon histoire de toutes leurs oreilles. Hélas, tout est fini maintenant. Oh, je n'oublierai pas de bien me réjouir, de bien m'amuser quand on me fera sortir de nouveau. Or, quand cela arrivera-t-il ? Ce fut un matin qu'on vint par hasard ronger dans ce réduit-là. On en ôta les caisses, on tira l'arbre de son coin sans la moindre précaution, brutalement. Cependant, un des domestiques le tira près de l'escalier, là où il faisait clair. « Ah, voilà la vie qui me revient !» pensa l'arbre qui sentait enfin l'air frais et la douce chaleur des rayons du soleil. On le mit ensuite dans la cour. Mais tout cela se fit si promptement que l'arbre oublia de se regarder lui-même, tant il avait de choses à regarder autour de lui. Cette cour touchait au jardin où tout était alors en fleurs. Les roses pendaient aux gracieux treillis, pleines de fraîcheur et de parfum. Les tilleuls étaient en fleurs, et les hirondelles voltigeaient alentour en disant « Qui revient vite ? Mes fidèles amours sont revenus !» Mais ce n'était pas du sapin qu'elle voulait parler. « Ah, maintenant je vais enfin revivre !» s'écria le sapin, et il étendit ses branches. Mais hélas, elles étaient toutes sèches et toutes jaunes, et on le rejeta alors dans un coin, au milieu d'orties et de mauvaises herbes toutes fraîches arrachées. Cependant, l'étoile de papier doré se balançait toujours à son sommet et scintillait maintenant aux rayons du soleil. Quelques-uns des joyeux enfants qui, au jour de Noël, avaient dansé en rond autour de l'arbre et qui s'étaient tant amusés ce soir-là, jouaient dans la cour. L'un des plus jeunes accourut alors et enleva l'étoile d'or. « Voyez donc un peu ce qui était attaché à ce vilain sapin !» dit-il. Et il foula aux pieds les branches de l'arbre, jusqu'à ce qu'elles craquassent de nouveau. Le sapin aperçut à ce moment les fleurs du jardin, alors dans toute la fraîcheur de leur beauté. Puis il se regarda lui-même, et plein de confusion, il se prit bien vite à regretter de ne pas être resté confiné dans le sombre coin du vestibule à l'entrée de la cave. Il se rappela ensuite sa joyeuse jeunesse dans la forêt, la tant joyeuse nuit de Noël et les si jolies petites souris qui avaient écouté avec tant d'attention l'histoire de Bonardin. « c'est fini à jamais !» dit le pauvre sapin. « Que ne me suis-je amusé tandis que je le pouvais ? C'est fini, fini à jamais !» Survint en ce moment le domestique, qui vous coupa l'arbre en petits morceaux et qui vous en fit un fagot. On vous le plaça dans la vaste cheminée de la cuisine, où bientôt il jeta la lueur la plus vive en pétillant avec fracas. De sorte que les enfants qui jouaient dans la cour accoururent voir ce beau feu en criant « Pif, paf !» tandis qu'à chacun de ces pétillements, le pauvre sapin songeait à ses beaux jours d'été dans la forêt, et à ces belles nuits d'hiver éclairées par la lueur vacillante des étoiles. Il songeait aussi à la nuit de Noël et à l'histoire de Bonardin, la seule qu'il sut au monde, la seule par conséquent qu'il put raconter. Puis il s'affaissa sur lui-même et tomba dans l'âtre, complètement réduit en cendres. Pendant ce temps-là, les enfants étaient revenus jouer dans le jardin, et le plus jeune d'entre eux avait placé sur sa poitrine l'étoile d'or dont le pauvre sapin avait été couronné pendant la plus heureuse soirée de sa vie. Elle était finie depuis longtemps et n'avait duré qu'un instant. Tout maintenant était fini également pour l'arbre, comme ce l'est aussi pour mon histoire. C'est fini, fini à jamais, hélas. C'est ce qui arrive à toute chose ici-bas.